Lettre 102e. Calpurnie à son frère Lucius. Nicomédie, 1er mai 305. Le grand événement qui tenait le monde en suspens vient d'être terminé. Ce matin, les habitants de Nicomédie, une quantité d'étrangers que la curiosité ou l'intérêt personnel avait attirés, la cour entière, les prêtres, les militaires, les autorités, se sont réunis en grand costume sur une vaste plaine non loin de la ville. On avait arrangé une place pour Augusta, l'épouse de César, pour sa fille, pour moi, et les principales femmes de la ville, d'où nous pouvions tout voir sans être incommodés de la foule. Le premier objet qui frappa mes yeux fut Théophanie, et une jeune personne à ses côtés, charmante malgré sa pâleur. C'est une fille naturelle de Dioclétien qui l'a reconnue et qu'on nomme Valérie. Théophanie et moi nous saluâmes comme d'anciennes connaissances. Elle était, tout comme moi, impatiente de ce qui allait arriver, mais suivant son habitude, elle prenait tout au tragique et ne voyait que malheur dans l'avenir. Comment peut-elle ainsi s'abandonner à la tristesse, elle, si heureuse, la compagne d'Agathoclès, à qui elle a donné un fils, qui a 1 an et demi, et elle est très proche de devenir mère une seconde fois? Pendant que nous parlions ensemble de nos enfants, le char d'Auguste arrivait lentement, accompagné d'une multitude de cavaliers. Galérius, Constantin, Tiridate, Agathoclès étaient du nombre. Je n'avais pas vu le dernier depuis près de 2 ans. Je suis marié suivant les vœux de mon cœur, et cependant, je le sentis battre plus fortement lorsque je le vis s'avancer sur un superbe coursier, descendre assez près de nous et nous saluer en allant prendre la place qui lui était assignée. Quand je rencontrais ses regards attachés sur moi, avec ce sourire qui l'embellit si fort, les dernières années de ma vie s'effacèrent de ma pensée. J'allais me croire à Rome. Mais il regarda aussi Théophanie avec tendresse et lui fit de la main un signe amical. Mais Tiridate était près de lui. Il fallut bien revenir à Nicomédie et à Ecbatane. Quel pouvoir cet homme aurait eu sur mon cœur! Mais il l'a dédaigné et je l'ai donné à un autre qui en sent mieux le prix. Cependant, le char d'Auguste arriva à la tribune préparée pour lui, soutenu par 2 licteurs. Il monta les marches avec peine, puis il tint au peuple un discours composé avec art. Il rappela les bienfaits multipliés dont il l'avait fait jouir depuis le commencement de son règne, la paix qu'il avait assurée pendant tant d'années, puis le triomphe remporté sur les Perses. Il s'arrêta plusieurs fois, je ne sais si c'était par faiblesse ou pour voir l'effet de sa harangue. Elle n'en fit aucun. Pas une voix ne se fit entendre pour le remercier et lui demander de les gouverner encore. Personne ne paraissait avoir d'autre intérêt que celui de la curiosité. Enfin, il vint à parler de sa mauvaise santé et de l'impossibilité où il se trouvait de supporter les grandes occupations dont il était chargé. Il fit connaître son projet de se retirer et de remettre les rênes du gouvernement à un bras plus vigoureux. Il s'arrêta encore, même silence. Alors il appela Galérius et le présenta au peuple comme Auguste. En même temps, il ôta son manteau de pourpre. Il en revêtit le nouvel empereur et quitta la tribune. Tout à coup, des acclamations de joie se firent entendre, mais elles ne furent pas générales, et on ne peut juger si c'était l'abdication ou le choix du successeur. Galérius se mit à l'instant même à la place de Dioclétien. Celui-ci remonta sur son char avec sa fille. Ils se rendirent avec rapidité à la ville, où tout était prêt pour aller à Salonne. C'est ainsi qu'a fini le beau règne de Dioclétien, et je dois avouer que cette dernière scène n'a pas augmenté mon estime pour le genre humain. En général, j'ai fait plusieurs expériences très fâcheuses dans ce genre depuis que le sort m'a appelé à être l'épouse d'un roi, et mes idées sur les hommes sont devenues plus justes et mieux fondées, que la plupart sont méprisables. Par quels indignes motifs ils sont conduits? Ne serais-je pas plus heureuse si je n'avais pas eu l'occasion de reconnaître ces tristes vérités? Il y a cependant des états mitoyens, également éloignés des vices des grands et de ceux de la populace, où, dans une heureuse médiocrité, on peut perfectionner son être et acquérir des vertus. Tel aurait été mon sort si j'avais été l'épouse d'un simple particulier, dont l'âme élevée aurait agrandi la mienne et développé mes facultés morales. Je ne suis pas malheureuse. Mais puis-je empêcher que des souvenirs ne viennent déposer quelques fleurs fanées à côté de ma couronne et me donnent une tristesse qu'il ne dépend pas de moi de surmonter ? Je suis heureuse, mais combien Théophanie l'est plus encore. Adieu, mon frère.